comme un toxico. J'suis pas normal, coca social, limite gros psycho. Mon son pêche dans vos chicots. Si on débarque en nombre, c'est pour poser des bombes dans vos comicos. J'veux la gloire dans la caillasse, au Saoui. Mais j'ai raté l'avion comme Zacharias Moussaoui. J'ai le style qui fait bosser les bavards. Le style Kalashnikov, vodka et caviar. Connard, j'suis mon petit bis sans cagoule. Puis j'claque tout dans un club de striptease à Kaboul. J'rêve pas que je roule en Maserati. J'rêve que j'mets un coup de boule à Materazzi. J'représente l'anarchie. Et rien ne me guérit de mes sales manies. J'arrive en surf sur un tsunami. Et ça fait bang bang dans ton funani. Quand ça devient dingue, on est petit gars s'enchaîne. De pas la haine, reste bien. Ça fait bang bang. Des grosses liasses. Quand ça fracasse. Politia. Accroche-toi baby, voiture bélier. Don Joe, flow voiture bélier. Fouteur de merde, j'fais ça comme un métier. J'vais être payé qui t'a brûlé. Plus de billets juste pour gaspiller. $50 de pourboire au portier. 100 barman juste parce que ces glaçons sont frais. Yeah, les mauvais garçons sont prêts. Les cons d'espoir envoyaient le carnage qu'on fait. La volaille style devant mon gang d'aliens. Mon pull fauve, ils sentent la chienne. Mais c'est pas grave, trinque à la mienne. Un cul sec puis descend dans l'arène. Tous au tac et tous à fond. Dans cette jungle de béton. C'est quoi ce bordel, c'est quoi son. Un peu d'anarchie dans ta partie. Quand ça vient d'elle. Mais pas la haine, reste bien. Ça fait bang bang. Des grosses liasses. Quand ça fracasse. Politia. Accroche-toi baby, voiture bélier. Tous sur les nerfs, tous à fond. Dans ma jungle de béton. C'est quoi ce bordel, c'est quoi ça. Un peu d'anarchie dans ta part. Mais pas la haine, reste bien. Ça fait bang bang. Les grosses liasses. Quand ça fracasse. Politia. Accroche-toi baby, voiture bélier. Quand ça vient d'elle. Ce petit gars s'enchaîne. Mais pas la haine, reste bien. Ça fait bang bang. Les grosses liasses. Quand ça fracasse. Politia. Accroche-toi baby, voiture bélier.